Mon ami Naz, de Paul Arène, lu par Clémentine pour audiocité.net. Or, voici par suite de quelle aventure mon ami Naz fut voué au vers. Blasé sur les joies du collège, fatigué de fumer toujours des feuilles sèches de noyer dans des pipes en roseau et d'élever des serpents avec des cochons d'Inde au fond d'un pupitre, mon ami Naz résolut un jour de s'offrir des émotions plus viriles. Et, le képi sur l'œil, le cœur battant à faire éclater sa tunique, il entra, mon ami Naz, au cabaret de la mère Nanon. Tous les collégiens un peu avancés en âge le connaissaient, ce cabaret. Une porte basse sur la rue, un petit escalier à descendre, un corridor à suivre, et l'on se trouvait dans la salle, avec son plafond à solives, sa fenêtre qui regarde la Durance et la bataille d'Isly accrochée au mur. Ô joie, ô paresse, le collège à deux pas, parfois même nous en entendions la cloche, et du soleil plein la fenêtre, et la grande voix de la Durance qui montait. Une topette de sirop, mère Nanon. De sirop, petit? Est-ce de gomme ou de capillaire? De capillaire, mère Nanon. Et la mère Nanon apportait une topette de capillaire. De la pointe d'un couteau, elle enlevait, clac, le petit bouchon, puis renversait sa topette, le col en bas, dans le goulot d'une carafe pleine de belle eau claire. Le sirop s'écoulait peu à peu, avec un joli bruit, comme le sable d'un sablier. L'eau claire, le sirop s'y mêlant, se troublait de petits nuages couleur d'opale et d'agate, et de grosses guêpes attirées montaient et descendaient le long du verre, curieusement. Mon ami Naz, qui était en fond ce jour-là, but à lui tout seul 8 ou 10 carafes. Puis, la tête échauffée, il se mit au billard à faire la partie. Je le vois encore, ce billard, un solennel billard à blouse du temps de Louis le XIV, décoré de grosses têtes de lion à ses 4 coins, têtes de lion qui ouvraient avec fracas leur gueule en cuivre chaque fois qu'au hasard de la partie une bille tombait dedans. Les billes, d'ailleurs, étaient en buis, les queues sans procédé et les bandes antérieures, paraît-il, à l'invention du caoutchouc, semblaient rembourrées de lisière. Quant au tapis, qui en décrirait les reprises sans nombre et les maculatures? Mon ami Naz, ce jour-là, gagnait tout ce qu'il voulait. Pourquoi ne s'arrêta-t-il pas à temps? Et d'où vient cet amer plaisir que trouve l'homme à tenter la destinée? Naz gagnait tout, partie, revanche et belle. Il n'avait qu'à s'en aller. Il resta. Il n'avait, le dernier coup fait, qu'à poser la queue glorieusement. Il préféra, le dernier coup fait et marqué, garder la queue en main pour continuer sa série. Et il la continua, le malheureux. Il fit 1, 2, 3 carambolages, il en fit 5, il en fit 6, il en fit 8, il en fit 10. Et les billes allaient, venaient, s'effleuraient et tourbillonnaient, puis s'entrechoquaient doucement comme attirées par un aimant invisible. Et les carambolages roulaient, et les spectateurs applaudissaient, et la vieille Nanon elle-même, remuant des sous dans la poche de son tablier, admirait et faisait galerie. Tout à coup, c'était un effet de recul, la queue, lancée d'une main nerveuse, glisse sur la bille et la manque. Le tapis craque, le tapis se fend triangulairement, et la queue presque tout entière s'engouffre et disparaît dans un abîme de draps verts. le tonnerre en personne serait tombé dans la salle, que le saisissement n'eût pas été plus grand. Chacun s'entre-regarda. « Naz !» Le malheureux Naz resta debout, comme stupéfait, le corps en avant et la bouche ouverte. « Son père !» s'écria la vieille Nanon. « Qu'on aille chercher monsieur son père !» Le père de Naz arriva. On s'attendait à une explosion de colère. Il se montra glacial et digne. « Combien ce tapis ?»« 60 francs, mon bon monsieur, pas moins de 60 francs. »« Voici 60 francs, et qu'on me donne le vieux drap. » Puis, les bandes déboulonnées et le tapis décloué, « Emporte-moi ça !» dit le père en remettant à Naz le tapis roulé. Que comptait-il faire? Le surlendemain, tout fut expliqué quand nous vîmes entrer le malheureux Naz vêtu de vert de la tête aux pieds, habit vert, gilet vert, pantalon vert, casquette verte, et non pas vert pomme ou vert bouteille, mais de ce vert cruel et particulièrement détestable qu'on choisit pour les tapis de billard. Sur l'épaule droite, nous reconnûmes tous une grande tache faite par la lampe à schiste, et sur l'épaule gauche, une petite meurtrissure bleue imprimée dans le drap par un massé trop brutal. À partir de ce jour, mon ami Naz passa une jeunesse mélancolique. 6 ans durant, son père fut inflexible. 6 ans durant, des habillements complets de couleur verte sortirent pour le malheureux Naz de cet inépuisable tapis. Ses camarades le raillèrent. Les gens de la ville s'habituèrent à rire de lui. Et le malheureux Naz souffrit beaucoup de toutes ces choses, étant né avec un cœur aimant. On le surnomma le lézard vert. Sa figure, à force d'ennui, devint peu à peu verte comme le reste. Il se mit à boire de l'absinthe. Enfin, à l'âge de 20 ans, long, maigre et toujours habillé de vert, mon pauvre ami Naz, ayant pris l'humanité en haine, s'embarqua, vert et seul, pour les grandes Indes, le paradis des perroquets. Tiré 2, Conte de Provence.